Renouvellement d'un CDD. Faute de prévoir les conditions de son renouvellement, le contrat à durée déterminée initiale ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant signé par les parties avant le terme initialement prévu. À défaut, il devient un contrat à durée indéterminée dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. Notez que la seule circonstance que le salarié ait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permet pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial.